1 Timothée chapitre 4. Or l'Esprit dit expressément, qu'au dernier temps quelques-uns se révolteront de la foi, s'adonnant aux esprits séducteurs, et aux doctrines des démons, enseignant des mensonges par hypocrisie, et ayant une conscience cautérisée, défendant de se marier, commandant de s'abstenir des viandes que Dieu a créées pour les fidèles, et pour ceux qui ont connu la vérité, afin d'en user avec des actions de grâce. Car toute créature de Dieu est bonne, et il n'y en a point qui soit à rejeter, étant prise avec action de grâce. Parce qu'elle est sanctifiée par la parole de Dieu, et par la prière. Si tu proposes ces choses aux frères, tu seras bon ministre de Jésus-Christ, nourri dans les paroles de la foi, et de la bonne doctrine que tu as soigneusement suivie. Mais rejette les fables profanes, et semblables aux récits des personnes dont l'esprit est affaibli, et exerce-toi dans la piété. Car l'exercice corporel est utile à peu de choses, mais la piété est utile à toutes choses, ayant les promesses de la vie présente, et de celle qui est à venir. C'est là une parole certaine, et digne d'être entièrement reçue. Car c'est aussi pour cela que nous travaillons, et que nous sommes en opprobre, parce que nous espérons au Dieu vivant, qui est le conservateur de tous les hommes, mais principalement des fidèles. Annonce ces choses, et les enseigne. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais soit le modèle des fidèles en parole, en conduite, en charité, en esprit, en foi, en pureté. Sois attentif à la lecture, à l'exhortation, et à l'instruction, jusqu'à ce que je vienne. Ne néglige point le don qui est en toi, et qui t'a été conféré suivant la prophétie, par l'imposition des mains de la compagnie des anciens. Pratique ces choses, et y sois attentif, afin qu'il soit connu à tous que tu profites. Prends garde à toi, et à la doctrine, persévère en ces choses, car en faisant cela tu te sauveras, et ceux qui t'écoutent.